الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه أو serviteur d'Allah craignez Allah car celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala Allah le protège et le guide vers le meilleur de cette, des affaires de cette dunya et des affaires de la religion. وَعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ الصِّدْقُ وَالنُّصْحُ لِلْآخَرِينَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين, الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Serviteur d'Allah, sachez que parmi les meilleures caractéristiques du croyant, c'est la véracité et la sincérité envers les autres. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Ad-din al-nasiha, la religion c'est la nasiha. Et il a répété cela trois fois. Et ensuite, les sahaba ont posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envers qui? Liman, ya Rasulallah, c'est-à-dire envers qui la nasiha? Hein? Et on remarque ici qu'ils n'ont pas demandé qu'est-ce que c'est la nasiha. Yani, ma sa'alu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma ma'na al-nasiha. Walakin sa'alu liman al-nasiha. Yani, ils ont demandé pour qui, envers qui la nasiha. Car on voit souvent que les sahaba, lorsqu'ils demandent une question ou lorsqu'ils cherchent à savoir quelque chose, c'est parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a de bénéfique pour eux dans l'information, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsqu'ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils demandent quelque chose qui ramène pour eux un bienfait. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit « اختلف اليهود على 71 فرقة » واختلفت النصارى على 72 فرقة وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. Donc on voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et que cette umma va se diviser en 73 sectes, et là, les sahaba ont encore posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont demandé quoi? Ils lui ont demandé quelque chose par laquelle ils allaient pouvoir en sortir avec un bienfait, avec une compréhension, avec quelque chose qu'ils vont pouvoir appliquer dans leur religion. Et il leur a répondu en leur disant que le groupe qui sera sauvé, qui ne sera pas en enfer, ce sera le groupe qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et donc, on voit que dans le hadith de la nasiha, il demande envers qui doit être faite la nasiha. Et la raison pourquoi il demande envers qui, comme lorsqu'il demande lequel des 73 sectes sera sauvé, laquelle sera sauvée, n'ira pas en enfer, c'est parce qu'ils veulent savoir comment ils doivent appliquer cette connaissance. Et il y a toujours un lien entre la connaissance et l'application, et le fait de mettre en application la connaissance qu'on apprend. Et donc, ils ne demandent pas la signification du terme nasiha dans le hadith de la nasiha parce qu'ils le connaissent déjà. Mais ils demandent envers qui la nasiha, c'est-à-dire comment on doit l'appliquer selon la personne ou l'objet de cette nasiha. Dans le hadith des 73, il nous indique comment faire pour être parmi le groupe qui sera sauvé de l'enfer. Et c'est de suivre. Et donc l'exemple, c'est de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Et dans l'exemple du hadith de la nasiha, c'est de connaître l'objet de la nasiha, envers qui on doit être sincère, envers qui on doit être véridique, et envers qui on doit donner le bon conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et il a dit que la nasiha, ça doit être envers Allah, envers son livre, envers son messager, et envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. Et donc, al-nasiha, ça signifie de vouloir, d'être véridique, d'être sincère, et de vouloir le bien pour les autres. Et c'est de remplir ses obligations envers celui envers qui on a des obligations. Et le problème de beaucoup de musulmans aujourd'hui, c'est qu'on dit, ou on entend ce hadith, mais on ne comprend pas la signification de la nasiha. Donc, les sahaba, eux, n'ont pas demandé qu'est-ce que signifiait la nasiha parce qu'ils savaient ce que ça signifiait. Mais ils avaient besoin de savoir comment l'appliquer. Nous, aujourd'hui, non seulement on ne l'applique pas la nasiha comme il faut, mais on ignore même la signification de la nasiha. Donc, on vit à une époque très dangereuse. On vit dans une époque très grave. Et on trouve très peu de gens qui sont nasih, c'est-à-dire qui sont sincères et qui veulent le bien et qui donnent le conseil aux autres et qui les orientent vers ce qui est bon pour eux. Et on trouve plutôt aujourd'hui que beaucoup de gens ont malheureusement la caractéristique des menteurs ou des gens qui ne sont pas sincères ou qui ont des formes d'hypocrisie. Et ils croient aux menteurs et ils traitent de menteurs les gens véridiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira, سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل ما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه ينطق في أمور العامة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura dans l'avenir des années qui vont être trompeuses et on va traiter de véridique le menteur et on va traiter de menteur le véridique et on va faire confiance au traître et on va traiter de traître la personne de confiance et les gens les rouaybida vont parler. Et ici, dans ce hadith, on voit que les sahaba ont demandé au prophète sallam la signification du terme ruwaybida, parce qu'ils ne connaissaient pas la signification de ce mot. Et donc ici, ils n'ont pas demandé autre chose que la signification pour pouvoir justement comprendre la parole. Et donc, ils ont demandé, qu'est-ce que les ruwaybida? Qu'est-ce que ça signifie les ruwaybida? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la personne insignifiante qui parle des affaires générales de la Ummah, ou qui parle des affaires générales des gens. Et donc ici on voit que les sahaba demandent pour comprendre. Et donc lorsqu'on veut comprendre que quelque chose dans la religion, si on entend un hadith ou un verset dans le Coran, et qu'on ne comprend pas la signification d'un mot ou d'un verset, ou de quelque chose dans le verset, eh bien on doit demander aux ulama la signification de cette parole ou de ce mot. Tandis que si on comprend la signification du mot, mais qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui en découle comme application et comment l'appliquer, eh bien on doit dans ce cas-là demander la façon dont on doit appliquer cette connaissance-là dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que les plus sincères et les plus véridiques sont les prophètes et les messagers d'Allah. Et après les prophètes et les messagers, les plus sincères sont les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui viennent par la suite, après les sahaba, ceux qui les ont suivis parmi les tabi'in et les ulama de cette umma, hein, qui suivent l'exemple des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, comme l'imam Ahmad, l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab et d'autres également. Donc ça c'est des exemples de ulama qui ont été sincères, qui ont eu une nasiha envers la umma, qui ont payé même de leur sang et de leur sueur pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour être véridique et sincère envers la umma et envers les musulmans. Donc qu'est-ce que signifie la nasiha pour nous aujourd'hui en tant que musulmans? Eh bien, ça signifie qu'on doit être sincère premièrement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que signifie la nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, la sincérité envers Allah et la nasiha envers Allah, c'est en réalité d'établir et d'appliquer le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est premièrement de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux athées, contrairement aux laïcs, contrairement aux socialistes, aux communistes, ou aux matérialistes, ou aux marxistes, qui renient avec orgueil et arrogance l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui croit que le monde actuel dans lequel on vit est le résultat d'un hasard et qui ne croit en rien et qui par orgueil et fierté et arrogance refuse de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on leur demande qui a créé le monde, qui a créé ce qu'on voit autour de nous, qui a créé notre corps, qui a créé les êtres humains, qui a créé les animaux, qui a créé l'univers, ils répondent que c'est la nature. Et c'est une façon qu'ils utilisent pour détourner la création de la réalité de qui est leur créateur. Puisque la nature n'existe pas, on ne sait pas c'est quoi la nature. C'est quelque chose d'abstrait, quelque chose qui n'a aucune qualité, aucun attribut. Tandis que quand on dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers, qui a créé le monde, on sait ce que ça implique. Ça implique bien entendu qu'on doit se soumettre à ce créateur et obéir à ses messagers et croire en ses livres et suivre sa volonté. Donc ceux qui croient par exemple que tout ce qui est apparu dans l'univers est apparu par hasard ou que toute la vie qui existe dans ce monde actuellement est apparue à l'origine par une cellule qui est apparue comme ça par hasard dans l'océan, puis qui après des milliards d'années s'est transformée en poisson, puis après des milliards d'années s'est transformée en grenouille, puis après des milliards d'années est devenue un rat, et puis après des milliards d'années est devenue un singe, et puis comme ça après des milliards et des milliards d'années encore est devenue un être humain, et que tout ça c'était fait comme ça par hasard. Les choses se sont passées sans que rien n'ait créé quoi que ce soit, sans qu'il y ait un ordre et une organisation et une sagesse derrière tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et donc, on doit réfléchir à tout ça et comprendre que la matière, ces gens-là, ils pensent qu'elle est apparue toute seule, qu'elle n'a pas de début, qu'elle n'a pas de fin et qu'elle ne fait que se transformer. Que l'énergie devient matière, que la matière devient énergie. Et ils croient qu'il n'y a pas de réponse aux questions de la vie, pour la cause de notre existence, ou le but de notre existence, ou l'objectif de notre existence. Ils disent qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de dessein. Ils disent qu'il n'y a pas de vérité qui existe, ou que si elle existe, personne ne la connaît. Donc est-ce que ces gens-là ont établi ou respecté la nasiha ou compris le sens de la nasiha? Bien entendu que non. Et pourtant, c'est souvent eux qui sont ceux à la tête de la société dans les pays des non-musulmans et qui prennent des décisions. Et donc, s'ils ne savent pas pourquoi ils vivent eux-mêmes et pourquoi ils se lèvent chaque matin et pourquoi ils ont été créés, eh bien, comment on pourrait espérer de leur part avoir une guidance quelconque dans la façon de gérer la vie des hommes et de les orienter sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit « خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وتعالى عما يشركون. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en vérité, mais les associateurs, les mushrikoun, ceux qui font le shirk avec Allah et qui adorent d'autres que Allah, hein, ils ne reconnaissent pas cette vérité là. Donc que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté de ce que ces gens là prétendent. Allah nazzaha nafsahu an an yakuna khalaqa hadha al-khalq batilan aw awjadahu la'iban. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Allah subhanahu wa ta'ala s'est purifié lui-même de l'idée qu'il aurait créé le monde actuel sans raison, sans sagesse, et qu'il l'aurait fait pour se divertir ou pour s'amuser. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et nous n'avons créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre les deux quand, et nous ne les avons pas créés en vain, hein, ou sans raison, ou sans but. Voilà ce que pensent ceux qui ont mécru. Alors malheur à ceux qui ont mécru d'un feu de l'enfer qui les attend. Donc ils croient que, les koufars, ils croient que ils sont créés pour le divertissement seulement, ou pour le jeu, ou pour la distraction, ou pour les loisirs, ou pour la futilité, et qu'il n'y a pas de sagesse, et qu'il n'y a pas de but, hein, dans la raison pour laquelle ils ont été créés. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Hein? Voilà la pensée de ceux qui ont mécru. Alors malheur à ceux qui ont mécru d'un feu de l'enfer qui les attend. L'enfer qu'ils ont traité de mensonge et qu'ils refusent d'accepter et de reconnaître. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux en jeu, hein, pour jouer ou comme divertissement. Et si nous aurions voulu prendre un divertissement quelconque, nous l'aurions pris de nous-mêmes, hein, si nous l'aurions fait. Et il dit dans un autre verset: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى يزيد dans un verset dans le Coran: il y a dans la création des cieux et de la terre et dans la succession de la nuit et du jour des signes pour ceux qui détiennent la raison. Ceux qui se souviennent d'Allah lorsqu'ils sont debout, assis et sur leur côté, allongés, et qui réfléchissent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Alors gloire à toi, alors protège-nous du feu de l'enfer. Et donc ça c'est le secret, en fait, dans la raison pour laquelle il faut croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en le fait que c'est lui qui a créé tout ça et qu'il ne l'a pas créé en vain. وفي هذا السر عظيم يحسن التنبه له الا وهو ان هذه العقيده بان الله لم يخلق هذا الخلق باطلا لها أثرها على المؤمنين في أعمالهم وأخلاقهم وفي سلوكهم وفي عباداتهم ترفعا عن العبث واللهو والباطل المنافي لمقصود الخلق. Et donc il y a dans cette croyance, dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette création et qu'il ne l'a pas créée en vain, il l'a créée pour un but et pour une sagesse, et bien cela a un effet dans les âmes et dans les comportements et dans la conduite et dans les adorations de ceux qui ont la foi, et ça les élève de la futilité du divertissement et des loisirs, du fait de faire des choses en vain qui sont en opposition et en contradiction avec le but de notre existence et le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Wa fi al-waqti nafsihi aqidat al-kufri an hadhihi al-makhluqat khuliqat batilan laha atharuha alayhim يعني على الكفار في أعمالهم وأخلاقهم وعباداتهم وسلوكهم وانغماسا في اللهو وإغراقا في العبث حتى أشبهت حياتهم الحيوان البهيم بل أسوأ. Et donc en même temps, la croyance de l'un, le kufr de ces idées que le monde a été créé en vain, sans aucun but, sans aucune sagesse, sans aucun objectif, il y a dans ça, dans cette idée, dans cette croyance, un effet néfaste sur ceux qui ont cette croyance. Et on le remarque dans leurs actions, dans leurs comportements, dans leurs adorations, dans leur conduite, et comment ils se noient dans le divertissement et dans la futilité, jusqu'à ce que leur vie devienne comme les vies des bestiaux, et même plus mauvaise encore, puisqu'ils ne réfléchissent même plus pour quelles raisons ils ont été créés. Le croyant, celui qui croit que ce monde n'a pas été créé en vain et sans sagesse, sa foi le pousse à faire des efforts pour atteindre les buts pour lesquels il a été créé. Tandis que le kafir, celui qui croit que ce monde est absurde, est poussé vers les plus bas des fonds de l'immoralité et de la perdition. Et c'est pourquoi un des plus grands moyens pour se protéger de l'enfer est d'avoir la conviction profonde qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé ce monde en vain, mais bien en vérité et pour la vérité. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Est-ce que vous pensez que nous vous avons créé en vain et que vous n'allez pas retourner ou que vous n'alliez pas retourner vers nous? Alors que soit exalté le vrai souverain. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le Seigneur du noble trône. Mais nous vivons dans une société qui ne donne pas la nasiha, qui ne donne pas la nasiha envers Allah. Et si tu demandes aux gens qui sont à la tête de cette société pourquoi on vit, ils ne savent pas. Parce qu'ils ne croient en rien. Et même s'ils croient en quelque chose, ils vivent dans un système qui fait en sorte que la foi en Allah n'a plus aucune influence sur leur façon de vivre et sur la façon dont les hommes vivent. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va poser la question aux hommes qui seront en enfer au jour de la résurrection. Pensiez-vous qu'on vous avait créé sans but et sans raison, ou bien qu'on vous avait créé pour un jeu, pour un divertissement? أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًا لَا يُؤْمَرْ وَلَا يُنْهَى وَلَا يُبْعَثْ. Est-ce que l'homme croit qu'il va être laissé sans responsabilité, sans ordre à suivre, sans interdiction desquelles il doit s'abstenir, et qu'il ne sera pas ressuscité? Donc tu constates et tu réalises en réalité que ceux qui encouragent les hommes à vivre dans l'absurdité veulent se mettre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et rendre les hommes esclaves à eux, et ils veulent se permettre par la suite d'ordonner ce qu'Allah a interdit et d'interdire ce qu'Allah a ordonné, tandis que le reste vit dans le rêve et le divertissement et la futilité. Il faut donc que le musulman soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, et la première signification dans le sens d'être nasih et d'avoir la nasih envers Allah, c'est de commencer par reconnaître son existence. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا، فمن لا نصيحة له لا دين له. Le prophète صلى الله عليه وسلم a répété trois fois: la religion c'est la nasiha, c'est le bon conseil, c'est la sincérité. Et il a répété trois fois. Et celui qui n'est pas nasih, qui n'a pas de nasiha, il n'a pas de religion. Être sincère envers Allah, pour continuer dans la signification, qu'est-ce que ça signifie encore? Ça signifie d'appliquer le tawhid d'Allah et de croire en son tawhid, c'est-à-dire son unicité. Premièrement, on a dit que c'est de croire en son existence. Deuxièmement, c'est de croire en sa rububiyya, c'est-à-dire de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Seigneur des mondes. C'est lui qui est le seul à avoir tout créé. C'est lui le seul maître. Hein? C'est pas Jésus. Jésus est un être humain. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un prophète, un être humain envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala à Bani Israël. Mais il fait partie des êtres humains, il n'est pas Dieu. Et il n'y a aucun homme qui peut prétendre à la divinité ou prétendre posséder quoi que ce soit, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aucune idole ou rien d'autre de ce que les mushrikines peuvent adorer ne possède quoi que ce soit de ce qui est dans l'univers. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الحمد لله رب العالمين له ملك السماوات والأرض قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il est garant de tout. Et il dit: louange à Allah, le Seigneur des mondes. Donc il est le Rab, le Créateur, le Pourvoyeur, le Maître de tout dans l'univers. Et personne ne possède rien, hein, en dehors de lui dans l'univers. C'est lui qui a tout créé seul, et c'est à lui seul que tout appartient. Lahu mulku samawati wal ard. Il n'y a pas une atome dans l'univers qui existe, excepté que c'est à lui, et que c'est lui qui la contrôle, et qui la dirige, et qui décide de son sort. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. À lui appartient le royaume des cieux et de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: dis aux messagers, aux hommes, dis-leur, invoquez ceux que vous prétendez adorer en dehors d'Allah. Ils ne détiennent même pas le poids d'une graine de moutarde de qu'est-ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et ils n'ont même pas aucun partenariat avec Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il a créé. Il n'a aucun partenaire, et il n'a aucun supporteur ou personne pour l'aider, parce qu'il n'a besoin d'aide de personne. Donc, de croire en la rububiyya, contrairement à ceux qui affirment qu'il y a des créatures qui possèdent quelque chose dans l'univers en dehors d'Allah. Le troisième aspect de la nasiha envers Allah, c'est la foi en al-uluhiyya, de croire en le fait que seul Allah mérite l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Iyyaka na'budu. Il nous enseigne de faire ce dua dans sourate al-Fatiha: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété que tu n'adores personne excepté lui. Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Alors adore Allah en lui vouant un culte exclusif. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, en purifiant leur religion pour lui seul, pour qu'ils n'adorent personne d'autre que lui. Et il dit: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمْ. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Et donc tous les messagers d'Allah, en commençant par Adam et en passant par Yani Ibrahim, et en passant par Moussa et Isa et Muhammad alayhi salatu wassalam, ils ont tous appelé les hommes au tawhid et enseigné aux hommes l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et le fait de croire que Allah existe, et qu'on a mentionné au début de la khutbah dans la nasiha, eh bien il faut comprendre que le fait de croire en l'existence d'Allah, c'est quelque chose qui est inné en l'homme. C'est quelque chose qui fait partie de sa fitra. Et c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour essayer de prouver aux kuffars et aux mushrikins, ou aux idolâtres, ou aux athées, que Allah subhanahu wa ta'ala existe, parce que c'est quelque chose qui est inscrit en eux-mêmes. Et la réalité, hein, c'est de croire aussi en la rububiyya, de croire que Allah est le seul maître, le seul créateur. Ça fait aussi partie de la fitra. Et donc, ceux qui nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes, ils ne le nient pas pour vrai. C'est-à-dire qu'au fond de leur cœur, ils savent qu'Allah existe, mais ils le renient par la bouche, avec leur bouche, hein, par arrogance et fierté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de Pharaon: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils ont renié les signes d'Allah alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils y croyaient avec conviction. Donc, ils croient qu'Allah existe, ils savent qu'Allah existe, mais par orgueil et arrogance et fierté, ils refusent de le reconnaître avec leur bouche et de se soumettre à Allah. De même que les mouchriquins, et bien la plupart des mouchriquins auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'islam et a appelé, et la plupart d'entre ceux qu'il a appelés à l'islam, il ne les a pas appelés à reconnaître l'existence d'Allah. Il ne les a pas appelés à dire que Dieu est unique. Parce que la plupart des idolâtres et des mouchriquins savaient et croyaient que Allah existe et qu'il était unique. Et ils savaient également yani, que c'est lui qui était le seul créateur et le seul maître. Et donc, la plupart du temps, tu vois que le prophète ne les appelle pas à croire à Allah, mais il les appelle à unifier Allah dans leur croyance, c'est-à-dire d'abandonner l'adoration des idoles et d'abandonner le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets dans le Coran: وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et si tu leur demandes, c'est-à-dire si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande aux mushrikin, aux idolâtres, ceux qui adorent les idoles, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire que c'est Allah. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dis-leur qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui contrôle toute l'affaire et dirige toute l'affaire, et ils diront Allah. Alors dit, n'allez-vous donc pas le craindre et cessez d'adorer des idoles et de prendre des intermédiaires entre vous et Allah. Adorez Allah directement, adorez Allah seul. Et donc, le but des prophètes et des messagers, c'était non pas d'appeler les hommes à croire que Allah existe, non pas de croire seulement que Allah est unique et c'est tout, parce que si tu regardes aujourd'hui les chrétiens, tu leur dis, est-ce que tu crois en Dieu? Ils disent oui. Et si tu leur demandes, combien il y a de Dieu? Est-ce que Dieu est unique? Ils disent oui, Dieu est unique. Mais après, ils vont adorer une croix, ou bien ils vont adorer Marie, ou bien ils vont adorer Jésus, ou bien ils vont adorer un saint ou une tombe, hein? Et pourtant ils prétendent que Dieu est unique. Donc les messagers sont venus, non pas pour appeler les hommes à croire en Dieu, mais corriger leur foi en Allah et leur aqidah, pour faire en sorte que leur aqidah soit basée sur le tawhid et l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et les prophètes sont venus déclarer la guerre à l'idolâtrie, et au kufr, et au shirk, et au bid'ah dans la religion, aux innovations dans la religion. Donc la da'wah du tawhid, c'est de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, par les hommes, peu importe qu'est-ce que ça peut être, que ce soit des tombes, ou des prophètes, ou des saints, ou des morts, ou des statues, ou des arbres, ou des astres, ou des animaux, ou des choses, peu importe qu'est-ce que c'est en dehors d'Allah, depuis que c'est adoré en dehors d'Allah, il faut le rejeter. Et les gens, c'est ce qui, le shirk qu'ils faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de prendre des intermédiaires entre eux et Allah, tout en reconnaissant que Allah était le créateur et le pourvoyeur. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, quand on parle aux mushrikines et on leur disait, pourquoi vous adorez les idoles? Et ils répondaient, ils disaient, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. C'est-à-dire, on les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Et donc, ceux qui, aujourd'hui, parmi les musulmans, malheureusement, adorent les saints, adorent les tombes, adorent les statues, ou bien vont sacrifier des animaux au temple des saints, et ils vont faire des pèlerinages à leur tombe, et ils vont faire des tawaf même autour des tombes, et lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils appellent au secours les morts, et ils vont leur demander de les guérir d'une maladie ou des choses de ce genre. Tout ça c'est de l'idolâtrie et c'est du shirk. Et on retrouve ces exemples-là chez beaucoup de gens qui suivent la voie des soufis, ou bien qui suivent la voie des shi'as, rafidah, en Iran et ailleurs, qui vont adorer les tombes et les morts au lieu d'adorer Allah seul. Donc, ça c'est un petit résumé de qu'est-ce que signifie la nasiha envers Allah. Et on n'a pas encore terminé d'expliquer tous les détails